Croquis de cloître, de poèmes, par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Croquis de cloître. Le cœur, alors qu'il est sombre et dévotieux, et qu'un recueillement sur les choses sans brume, conserve encore dans l'air que l'encens bleu parfume, comme un frisson épars des hymnes spacieux. La gravité des longs versets sentencieux reste debout comme un marteau sur une enclume, et l'antienne du jour, plus blanche que l'écume, remue encore son aile au mur silencieux. On les entend frémir et vibrer en son âme, c'est à leur frôlement que vacille la flamme devant le tabernacle, et que les saints sculptés gardent près des piliers leurs poses extatiques, comme s'ils entendaient toujours les grands cantiques autour de leurs prières en sourdine chantées. Fin de Croquis de cloître.